Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD, première édition de la saison 2019-2020. Un plaisir, évidemment, de vous retrouver, de revenir pour jaser 9e art, pour vous entraîner dans la sphère de la bande dessinée. Raymond Poirier au micro, avec vous jusqu'à 18h30, fidèle donc désormais à cette habitude. C'est une 9e saison qu'on entame quand même. Si vous m'auriez dit, il y a de ça plusieurs années, qu'on allait se rendre presque à 10 et peut-être éventuellement à 10, eh bien je ne vous aurais pas cru. Et bien content d'avoir pu explorer en votre compagnie la sphère de la bande dessinée toutes ces années. Et on se lance donc pour une nouvelle saison. Une nouvelle saison dans laquelle on continuera évidemment, et ce sera d'ailleurs le cœur de l'émission d'aujourd'hui, à recevoir des auteurs québécois et étrangers, à explorer des publications, des albums, des œuvres plus larges. Une saison dans laquelle on gardera évidemment et on accentuera des commentaires, des critiques bande dessinée, donc pour essayer de vous guider, de vous accompagner à l'intérieur des nouveautés ou des presque nouveautés. On continuera également à vous offrir une fois par mois notre club de lecture, en compagnie de nos libraires en résidence, comme à l'habitude. Donc ça, ça reste. Et on fera également des petits ajouts au fil de la saison, dont des nouveaux collaborateurs ou des anciens collaborateurs qui seront de retour pour cette saison et auxquels on donnera à l'occasion des cartes blanches, donc pour vous parler, vous entretenir et m'entretenir de sujets qui leur sont chers. Toujours autour, évidemment, de la sphère de la BD. Alors, c'est un peu avec tout ça en tête qu'on se lance dans cette nouvelle saison. Et pour cette première émission, deux rencontres qu'on a prévues à l'horaire. En deuxième moitié, on aura le plaisir de jaser avec Réal Godbout, qu'on connaît évidemment pour L'Amérique ou le disparu, et aussi probablement surtout et assurément surtout pour Red Ketchup, emblématique série québécoise, et qui du côté des éditions La Pastèque nous a offert tout récemment Quand je serai mort avec Laurent Chabin, donc une bande dessinée polar qui nous amène dans des côtés de Montréal qu'on n'a peu l'occasion de voir en BD, et on avait envie de voir avec lui comment s'est bâti ce récit, comment s'est fait le casting de ses personnages, parfois un brin patibulaire également. Alors donc on va explorer cet album-là en deuxième moitié d'émission. Pour la première moitié, eh bien, j'ai presque envie de dire qu'on a une tradition ici à La Vie en BD où on ouvre la saison avec une entrevue avec Axel Lenoir. C'était le cas des deux dernières années. Je me suis dit, jamais 203. Alors, on ouvrira également la saison avec Axel Lenoir dans quelques instants. On va parler avec elle de Si on était, donc une bande dessinée qu'elle a offert au fil des mois dans le magazine Curium, un magazine pour ados qui est dédié aux sciences que vous connaissez sûrement. Et du côté de Francfort, on a donc un condensé de la première banque de pièces de courtes histoires, d'épisodes, donc de Si on était, qui nous a été offert. Et une bande dessinée qu'on avait envie de décrypter également parce que conceptuellement, entre autres éléments, ça a beaucoup évolué au fil des publications. Et donc en album, on se retrouve avec quelque chose qui démarre avec des épisodes courts, mais qui tranquillement bascule vers le presque feuilleton. Alors un changement de ton, une belle évolution, on avait vraiment envie d'apporter ça à vos oreilles. Alors ça, c'est le menu pour aujourd'hui, ici à La Vie en BD. Et en musique, on est toujours dans la 8-bit, on change pas les bonnes habitudes, et c'est 8-bit Weapon qui nous accompagne cette semaine. We'll be right back. À l'écoute de La Vie en BD, on vous rappelle que vous pouvez nous trouver sur Facebook, facebook.com/ La Vie en BD. Ça nous fait toujours plaisir de vous savoir à l'écoute, notamment par le biais de cette plateforme. Également, plateforme blog, laviebd.wordpress.com, sur laquelle vous pouvez nous trouver. Maintenant, on a le plaisir, au bout du fil, d'être en compagnie d'Axel Lenoir. Bonjour. Bonjour, Raymond, ça va bien? Ça va très bien, toi? Yes, super. Et évidemment, tu es avec nous pour nous parler de ta sortie estivale. J'ai l'impression que tu en sors pas mal à chaque été. C'est la saison d'Axel. pour la parution, si on était, ça c'est chez Front Froid. Et au départ, en fait, c'était des planches intégrées dans le magazine Curium. Donc, j'aurais envie peut-être qu'on remonte justement à la genèse du projet. Donc, qu'est-ce qui t'avait amené à proposer cette série-là ou à te faire proposer cette série-là du côté de Curium? J'ai proposé cette série-là en gros parce que je cherchais une façon d'un peu alléger le métier, donc de trouver des sources de revenus entre les projets personnels. Puis j'ai écrit genre en 2016 à Curium, j'ai dit ça vous tente-tu de faire un projet? Et bien sûr, ils m'ont répondu oui, mais là, le bien sûr va arriver. Il dit bien sûr, présente-nous quelque chose. Puis là, j'ai fait ah ouais, c'est vrai, il faut que je présente de quoi. Et je m'étais dit que ça sortirait de ça, ça serait facile, puis finalement j'avais pas d'idée d'autre que faire un watatatao plate. Et fait que j'ai attendu 7 mois, j'ai mis ça de côté, j'y ai même pas pensé, puis une année au mois de juillet, ça a popé dans ma tête, tout simplement deux filles qui s'imaginent de qu'est-ce que leur vie serait s'ils étaient dans des mondes imaginaires. Et là, on les découvre au fil des planches. Elles sont des Vikings, des agents secrets. Elles se retrouvent dans un manga, dans un comic strip, etc. Oui. Mais en même temps, tranquillement aussi, on part. Ben, en fait, peut-être allons-y avec cette première portion-là. Donc, c'était de ce que j'ai compris au fil d'entrevue. L'idée vient d'un jeu que tu fais en auto, en déplacement ou quand tu as du temps à remplir, dans le fond. Ben oui, ben c'est drôle parce qu'au début, on me posait la question, puis je dis c'est niaiseux de faire une BD là-dessus parce que personne ne fait ça dans la vraie vie. Puis le temps passé, puis plus ça avançait, je m'en rendais compte qu'aussitôt qu'on se promène en gang dans le char ou que c'est plate un peu, je commence par des fois à faire ça. En fait, quand je m'emmerde, je commence à dire à mes amis, genre, toi, admettons, si t'étais... Puis fait que je faisais ça par défaut depuis des années sans me rendre compte. Alors que moi, je pensais avoir trouvé un concept original. J'ai juste fait du copier-coller de mon subconscient, finalement. et en même temps, ça veut dire que tu partais. Hein? Tu partais avec des. Pardon. Non, vas-y. C'est moi qui te coupe, en fait. Je te l'ai dit souvent en entrevue, je suis un petit peu nounoun. Mais en même temps, ça veut dire que tu partais avec des idées, avec des concepts déjà. Je veux dire, c'est quelque chose que tu faisais naturellement. Donc là, l'idée et le défi, c'était de se dire ben maintenant, quelle idée, quel concept, quel état peut se transposer dans le contexte d'un récit court en BD. Oui, exactement, parce que tu sais, il y a plein de sujets que depuis le début, je me suis dit, il faut absolument faire un sur ça. Et finalement, je les ai jamais fait parce que c'est pas tout d'avoir un sujet, genre, admettons, les Avengers, c'est le film qui vend le plus de l'histoire, t'sais. J'aime bien les super-héros, mais je l'ai jamais fait parce que j'ai rien qui me vient particulièrement à l'idée. Fait que des fois, c'est des sujets niaiseux qui font, je trouve, les meilleurs comic strips. Et de là aussi, c'est élément important, c'est avec l'idée de départ, où tu disais en même temps, et même tu le mentionnais tantôt, l'idée c'était aussi de se trouver un projet autre que tes projets personnels, mais en même temps, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que tu as fait ce projet-là, c'est devenu, voire même assez rapidement, un projet personnel, où on est passé des récits courts avec quelque chose de feuilleton... où on explore différemment, mais on explore, dans le fond, la psyché de ces deux filles-là. Oui, bien, il y a deux choses, en fait. Un, je me suis fait avoir à mon propre jeu. Fait que, tu sais, je me disais, bon, ça va être mon truc stable. Puis, tu sais, ça va rester, genre, de la... Tu sais, c'est pour un client, tatatatata. Puis, finalement, ben tu sais, je suis tombé en amour avec les filles, puis c'est devenu un projet aussi personnel que les autres, que je m'investis énormément. Et deux, je déteste me répéter. Donc, rapidement, on a commencé à avoir des variantes dans le jeu. Puis, finalement, des fois, on commençait à ne plus aller dans le jeu, de rester dans la réalité de Nathalie et Marie. Puis, c'était quand même important à une manière que ça devienne évolutif. Donc, ce qui a été dit dans d'autres épisodes, bien, on peut revenir puis faire une continuité à ça. Puis, justement, bien, là, je suis rendu au prochain arc qui va durer beaucoup. pages, sûrement 2 ans. Si tout va bien, ben, on part dans un autre trip complètement que je ne peux pas dire autre le fait que Marie détruit l'univers. Oh! C'est que on se renouvelle, dans le fond. Oui, oui. Mais ça arrive à cause qu'avec ces deux filles-là, tout est possible, parce que le seul sujet de la BD, il n'y a même pas de décor, même si j'en dessine, je veux dire, les décors sont peu importants, c'est Nathalie et Marie, that's all. Fait, il pourrait être sa lune, puis ça serait encore la même BD, il pourrait être dans... Tu sais, tout est possible. Et c'est ça, fait que là, je dis, plus univers, oui, je parle de quoi, il va rester une planète Terre quand même, mais ils vont fucker la patente. Puis là, on va partir dans des récits qui suivent encore plus. Et Axel, en fait, t'amènes un point important aussi, à mon sens, c'est quand tu dis, dans le fond, la BD, c'est les deux personnages, c'est Nathalie puis Marie, qui jasent, qui s'imaginent des affaires. Et je me disais, dans le fond, en même temps, faut les trouver, Nathalie et Marie. Tout est tellement central, leur relation est centrale, leur dynamique, leur chimie. Donc, comment s'est passé un peu, j'ai presque envie de dire, le processus de casting pour en arriver à avoir les deux bons personnages? Ouais, c'est la même histoire depuis mes débuts. Ça a toujours été très intuitif chez moi. Au début, de ma carrière, je faisais plus de la transposition directement de moi ou des personnes que je connaissais sans m'en rendre compte, alors que là, c'est quand même un peu plus calculé. Mais il reste que, admettons que je trouve un personnage, admettons que j'ai trouvé Marie en premier, c'est presque elle qui va décider c'est qui l'autre personnage. Puis, pour trouver leur caractère, parce que ceux qui vont le découvrir ou ceux qui l'ont déjà lu, si vous le relisez, vous allez vous rendre compte que dans le premier strip, leur caractère est un peu inversé. Alors, c'est un peu plus... Pas une nonne, mais... Et Marie est la plus. J'ai découvert en même temps que maintenant, j'ai pu me poser des questions. Quand on dit que les personnages décident à notre place, là, c'est littéralement ça. Là. Moi, je leur impose un sujet, puis c'est eux autres qui décident. Là. Dans le fond, tu te laisses suivre. Faut laisser court à l'instinct, parce que sinon, justement, tu sais. Ça devient peut-être un peu fake à la limite si tu te laisses pas assez y aller naturellement, on pourrait dire. Pour moi, il n'y a pas d'autre méthode. Ça paraît intuitif, artistique, tatatata, mais pour moi, c'est très mathématique. S'il y a une situation particulière, une situation X, et Marie se retrouve dedans, c'est de la mathématique. Le cerveau à Marie est fait d'une telle façon que il y a genre 75% des chances qu'elle réagisse de cette façon-là, puis tu sais, ça me vient tout de suite. C'est sûr que des fois j'arrive, dis qu'est-ce qu'elle pourrait dire, tout, mais la plupart du temps dans mes projets de mes dernières années, c'était pas mal tout en ça que mes personnages, quand je dis ils décident, c'est obligé qu'ils réagissent comme ça. Fait que moi je suis un peu comme le maître de jeu, j'impose des situations puis mes personnages réagissent. Et en même temps, à l'inverse, en fait, quand on parlait de l'évolution, dans le fond, t'imposes au départ des situations, donc vous êtes agent secret, donc qu'est-ce qu'on peut imaginer? Mais tranquillement, c'est aussi que la situation que tu leur imposes vient servir le récit émotif que tu leur que tu leur fais vivre. Quand tu dis, par exemple, si on était courageuse ou si on était seule, mais c'est en référence claire et ça devient une allégorie presque à quelque chose qu'elles vivent concrètement. Oui, exactement. C'est justement ça, c'en est... Non, si on est peu courageux, c'est un petit trip dans le cerveau de Nathalie, mais c'est ça. C'est deux histoires qui décollent pas tant de la réalité. Là. Il y en a une qui joue avec l'image. On est dans le médiéval fantastique, mais c'est littéralement ce qui arrive dans la vraie vie, ce que Nathalie vit. Fait que justement, si je voulais commencer à faire une connexion plus émotive, il fallait que je sois plus dans la vraie vie. Sinon, ça reste dans le loufoque, le fantasme. L'imaginaire. Là. Et comment un éditeur réagit un peu à une proposition qui évolue de manière assez nette à l'intérieur de ça et d'autant plus nette dans ce que tu nous annonces pour le deuxième cycle? tu vois, je pense qu'au début, ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre avec moi. Les filles de Chicurium avaient l'air à aimer mon travail, puis rapidement, ils ont appris à me connaître, puis tu sais, je suis... Même moi, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je me surprends moi-même. Puis je pense que quelqu'un qui voudrait beaucoup me contrôler, ça marcherait tout simplement pas. Puis, pour les rassurer, j'ai commencé à, lorsque je faisais des arcs qui duraient plus que 2 pages, à leur pitcher plein de pages d'un coup, plein d'histoires d'un coup. Comme ça, ils pouvaient garder le fil puis vraiment voir où je voulais m'en aller. Puis je pense que ça pouvait les rassurer de cette façon-là. C'est pour ça que, justement, là, les épisodes de janvier, là, tu sais, que je vais partir dans un arc capoté, là, je pense que je leur ai pitché il y a 2 mois, là. Fait que, très à l'avance pour être sûr que je puisse me virer de bord, puis pour être sûr que tout le monde aime ça. Puis dans le contexte aussi où, avec l'album chez Froid-Froid, c'est comme un peu 2 expériences de lecture différentes, parce que d'un côté, il y en a une qu'on consomme une fois par mois, qu'on attrape aussi même des fois en cours d'abonnement, si on peut dire, tandis que dans le contexte d'un album, mais là, subitement, tout est mis bout en bout, et j'ai l'impression qu'on saisit d'autant plus un peu l'évolution puis le glissement, parce que ça arrive doucement, tranquillement, au fil des pages. Mais qu'on est en continu, on est une relation suivie pendant 1 heure, 2 heures et plus avec toi dans cet album-là. Oui, ben je pense qu'il y a quelque chose qui aide encore plus. Parce que moi, c'est ça l'affaire. Je voulais, rendre la lecture plus lente, plus calme. Parce que le strip, c'est assez intense. Mm-hmm. Déjà, c'est des strips de 2 pages, mais à l'intérieur de ça, il y a quand même des gags en fin de ligne à chaque fois. Fait que, tu sais, c'est quand même, c'est vivre un récit complet, tu sais, avec introduction, événement déclencheur, tension puis dénouement à chaque ligne. Donc, je voulais mettre un slow à ça, puis c'est pour ça que pour le livre, j'ai rajouté 30 pages, qui est souvent des journaux intimes, des listes de choses qu'ils aiment, qu'ils aiment pas, et pour justement apprendre à mieux connaître les filles. Puis relaxer un petit peu, parce que moi, personnellement, le strip, c'est un de mes médiums préférés, mais je trouve ça intense d'en lire 200 d'affilée comme ça. Là. Exact. Puis en même temps, ça permet d'explorer. Je pense au segment journal intime, on va explorer différemment. On a un autre type de langage, un autre type d'approche, un autre type de contact avec le lecteur. Dans les listes, j'ai l'impression que ça permet à l'autrice de déconner aussi puis de s'amuser. Oui. Ça répond à différents besoins, puis ça vient enrichir, si on peut dire, aussi dans une logique, si tu me permets l'anglicisme, de world building aussi. Dans le fond, on construit les personnages, l'univers, on le développe. Je sais pas, ça effectivement, ça ralentit un peu la lecture, mais ça nous permet d'aller plus loin, de l'approfondir. Donc Oui. Oui, ça permet d'aller plus loin, justement. Les journaux intimes, c'est le truc que j'aime le mieux créer. Pourtant, il y a du texte là-dedans, là. C'est des pages intenses, mais je pense qu'ils ont pas mal tout été écrits one shot. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est un peu du voyeurisme, là. Je veux dire, on tombe dans l'intimité des filles, on tombe dans leur secret, des fois même leur humour secret, les craintes. T'sais, Nathalie, qui est si forte, ben, dans son journal intime, elle commence à s'ouvrir, puis elle montre qu'elle dit qu'elle a peur, elle dit qu'elle sait qu'elle a l'air d'une toffe, mais c'est une carapace. Fait que ça, c'est, pour moi, c'est jouissif d'écrire ça, là. J'ai un plaisir fou, là. Et c'est aidé par le fait que, et si on revient un peu au casting de tes personnages, tu as été chercher aussi des personnes qui sont aptes à être complètes, dans le fond, qui sont pas des clichés ou qui se limitent pas à des clichés. Et avec les journaux intimes et le reste, on dépassait déjà le cliché, mais là, on le clenche solide. Là. Ah oui, ben tu sais, je voulais, en créant ces 2 filles-là, je voulais montrer des adolescentes qui sont sur la fin de l'adolescence, qui, sortent des clichés, mais sont réalistes quand même. Je veux dire, on n'est pas cave à l'adolescence. Des fois, on s'exprime tout croche, mais je voulais montrer que 2 filles qui étaient assez indépendantes et qui ne tombaient pas dans les clichés qu'on est habitués tout le temps. Tu sais, Marie, elle tripe ses gars, mais elle ne sait pas combien de fois pour son chance. Je veux offrir des bons modèles, mais pas des modèles chiants, puis je veux pas que ça soit du tout moralisateur, juste pour que des jeunes puissent faire comme « Hey, wow! » Genre, moi, je pense comme ça, puis parce que souvent, quand on est adolescent, on suit beaucoup les autres, mais dans notre fond intérieur, on pense pas comme les autres, on veut être différent, mais on a peur d'être différent. Puis, je voulais montrer 2 filles qui étaient complètement eux-mêmes, puis qui avaient pas peur de les chier, en fait. Puis, dans le fond, justement, un peu comme tu le fais, j'ai l'impression de je pense à l'Esprit du camp, par exemple, où on est un peu dans le même registre aussi, des gens qui acceptent progressivement ce qu'ils sont, qui l'assument, puis qui s'expriment, se développent en étant typiquement eux-mêmes, finalement. Oui, ben, dans l'Esprit du camp, on suit plus le processus de quelqu'un qui va venir accepter, mais tu sais, c'est quand même, Élodie, même de l'Esprit du camp, même si au début, on voit qu'elle a plein de peur, de crainte, puis elle se méfie de tout le monde. C'est quand même quelqu'un qui a une force de caractère assez intense. Mais oui, non, je pense que par défaut, j'aime ça faire ces personnages-là. Je m'identifie moi-même à ça. Puis j'espère que je me répète pas trop avec mes personnages. Mais non, c'est un pattern de vouloir faire des jeunes qui ont beaucoup de caractère puis qui ont des idées, je sais plus quoi dire, Raymond. des idées, puis dans le fond, d'une certaine façon, parce qu'il y a un troisième personnage qui vient s'ajouter en cours de route, oui. Une Jane Doe, oui. Où aussi, dans le fond, on met de l'avant d'autres types de modèles, des sujets qu'on aborde sans les aborder, en fait, où ça ne vient pas. On aborde l'amour dans différentes approches, dans différentes formes aussi, l'amitié dans différentes approches, dans différentes formes. Donc, l'aspect relationnel aussi est présent. Et on essaie de l'exploiter sans justement que ça soit in your face, là, si on peut dire encore un autre anglicisme, mais bon. Oui, ouais, ben parce que de toute façon, si ça devient le centre du sujet, ça va être plate. Tu sais, c'est comme si on check dans toutes les sitcoms, là, pendant un an, deux ans, on veut que tel gars, telle fille soit en couple, puis aussitôt qu'ils sont en couple, c'est rendu plate l'histoire. Fait que moi, je veux pas que ça soit. Ça fait partie des trucs, mais de l'histoire, mais comme le reste, je veux pas que ça prenne le dessus jamais. Puis, je trouvais ça le fun d'amener un troisième personnage. Même, je prépare un quatrième personnage, mais d'en amener un troisième avec Jane Doe qui fitterait avec eux autres, mais qui serait quand même. Tu sais, c'est une autre fille que je pense qui reste un beau modèle. On sait pas trop c'est qui, mais je pense que ça paraît qu'elle est différente, qu'elle a sa façon de voir la vie aussi, puis qui fait son chemin à sa façon. Fait que, mais toi, je veux commencer à peupler un petit peu cet univers-là, justement. Et tout ça, en fait, parce que je remets dans le contexte de départ, dans le fond, tout ça en se disant, mais hey, on va s'imaginer un jeu de si on était. Et donc, tranquillement, on en est rendu à parler, dans le fond, d'intrigues amoureuses, d'intrigues amicales, de personnages tridimensionnels riches. Donc, je comprends qu'au départ, c'était pas ça le plan de match, mais dans le fond, je trouve fascinant de voir dans ton travail comment les choses se placent tranquillement, puis pour le lecteur, dans le fond, en viennent naturellement à évoluer sans non plus perdre l'esprit initial du mandat, donc sans perdre le concept de si on était, mais en réussissant à intégrer tout ça dans ton concept de départ. Ouais, ben tu sais, pour vrai, Raymond, je pense que je serais pas capable de faire autrement parce que je pense que je m'emmerderais après 6 mois, 1 an de faire tout le temps la même affaire. Mm-hmm. C'est il y a quand même un désir de professionnalisme de faire de quoi toujours très bon, mais je sais pas si les récits habituellement évoluent aussi vite. Mais moi, j'ai l'impression que des fois, je fais ça trop vite parce que je veux tout le temps accélérer les choses. Le dessin, des fois, change dans mes BD. Il y a des évolutions qui se font à des rythmes. J'ai l'impression un petit peu trop rapide. Ça, c'est ma crainte quand je les écris, mais je pense qu'au bout du compte, ça tient la route et ça fait partie de mon style. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, je m'étais sorti une petite formule où je me disais, dans le fond, que c'était sous forme de question, évidemment, parce que mes affirmations sont toujours avec des points d'interrogation, mais que c'était, est-ce que c'était une façon de t'approprier plus avant un univers et, à la limite, de saisir et de percevoir instinctivement ce que l'univers pouvait t'apporter et du potentiel narratif des univers que tu construisais? Donc, instinctivement, tu percevais le potentiel, puis tu avais instinctivement envie d'aller au bout de ce potentiel-là. Tu vois, au début, c'était vraiment les concepts comme Viking, agent secret, etc., qui me drivaient. Puis à cette heure, c'est rendu du superflu, mais c'est vraiment... ce qui m'intéresse, c'est les deux filles. Puis ça veut pas dire que je veux plus mettre d'univers, ils vont pas se plonger dans d'autres univers. Mais comme je dis, c'est vraiment eux, finalement, qui sont au cœur du récit. Fait que en ce moment, en fait, j'ai aucune idée de futures fois qu'ils vont jouer à ce jeu-là, parce que je me concentre sur les deux. Mais pour revenir à la question de les sujets, certains, je les ai tirés parce que je voulais aller jusqu'au bout. Même à Harry Potter, j'en aurais fait un ou deux autres encore. Mais c'était la première fois, je pense, que j'en faisais un double épisode. Puis même le deuxième, c'est comme un Harry Potter en rafale. Là. Il y a comme 8 histoires en une histoire. Je pense que je l'aurais fait encore parce que des univers riches comme ça, c'est tellement facile d'y rester puis de trouver d'autres gags, d'autres avenues pour faire évoluer ces personnages. Évidemment, tout ça au bénéfice des lecteurs. D'abord de Curium, puisque tu continues à animer la série dans Curium. Et on imagine, avec ce que tu me dis sur ce qui s'en vient, ben, qu'il y aura potentiellement aussi un Si on était tome 2 en album en cours de route. On le souhaite fortement. Alors, ben, Axel Lenoir, merci beaucoup. Merci beaucoup, Raymond. C'était un plaisir. Un plaisir partagé. Au revoir. Bye-bye. Alors, Axel Lenoir, je le rappelle, autrice donc de « Si on était », c'est du côté de Front Froid, album disponible depuis quelque temps déjà. Écoute de CKRL 89.1, c'est La vie en BD qui se poursuit. Raymond Poirier au micro pour les prochaines minutes jusqu'à 18h30. Et on plonge maintenant dans un autre univers radicalement différent de celui qu'on a abordé en première moitié. Alors ici, on va aller plonger plutôt vers le polar. On va aller plonger vers Montréal avec la bande dessinée Quand je serai mort. C'est dessiné par Réal Godbout, c'est scénarisé par Laurent Chabin. Réal Godbout est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, donc un récit, un polar que vous nous proposez. Je me demandais d'abord, en fait, peut-être comment vous en étiez venu à la fois vers ce projet-là et à la fois vers Laurent Chabin. C'est d'abord son initiative. Laurent Chabin est un romancier. Il a écrit plusieurs des polars ou des romans noirs, soit pour la jeunesse, soit pour adultes. Il avait déjà fait une expérience en bande dessinée, mais c'est une occasion. Il y avait cette idée-là, puis il voulait en faire une bande dessinée. Puis là, il a proposé un synopsis aux éditions de La Pastèque, qui nous ont mis en contact. Donc, j'ai lu le synopsis, puis on a commencé à en discuter. Puis là, il a commencé à rédiger le scénario détaillé, puis en échangeant avec moi. Et puis, au départ, c'est son histoire, c'est son projet. Moi, ça m'a intéressé. Quand j'ai lu le sujet, c'était comme un défi pour moi. Ça peut être un peu différent, même si j'avais l'impression que c'était dans mes cordes, même si c'était un peu différent de d'autres trucs que j'ai fait, là, comme Red Ketchup, qui sont plus de la comédie, mettons. Oui, parce que là, on est dans un récit, c'est un polar sérieux. En fait, pour l'argumentaire, on se retrouve face à un type qui s'appelle Hobman, qui est en prison pour un meurtre qu'il n'a pas nécessairement commis. J'en révèle pas trop. On va le retrouver dans les jours suivants sa sortie de prison. On trouve une amie aussi, Anita, qui choisit de mener son enquête. Donc, on parle de polar et c'en est vraiment un dans les cas, dans les cadres. Vous parliez de défis tantôt. J'imagine, en fait, parce que le polar, c'est un récit d'ambiance. Donc, faut trouver une façon d'amener cette ambiance-là à travers le dessin, dans les choix, dans les approches, dans la manière, dans le trait aussi, j'ai l'impression. Le trait reste essentiellement le même. C'est comme ça que je dessine. Je suis capable de m'adapter un peu là, quand même, mais c'est sûr que, par exemple, le choix du noir et blanc, c'est en noir et blanc avec des tons de gris. Parce que j'aime cette manière-là, mais aussi, je pense que ça se prêtait très bien au style, au récit. Puis évidemment, il y a un côté, souvent des histoires policières en bande dessinée, c'est un dessin très réaliste, c'est quasiment du, moi je trouve que c'est quasiment comme du roman photo. Mm-hmm. C'est c'est pas ce que ça m'intéresse de faire. Donc, j'ai toujours eu un côté un peu cartoon, caricatural, grotesque, des fois. Ça se retrouve, même si c'est une histoire dramatique, une histoire avec un sujet réaliste, il y a quand même une certaine... dans le traitement, dans le style, les attitudes des personnages, tout ça, même si... Donc, c'est pas une comédie, mais ce qui n'empêche pas qu'il peut avoir quand même un certain niveau cartoon. Puis aussi, pour qu'on parle des ambiances aussi, ce qui est important, c'est ça se passe à Montréal, aujourd'hui, c'est une histoire contemporaine dans les, on va dire, les bas-fonds de Montréal, soit quartier Saint-Henri, un peu Hochelaga, ou des, en tout cas des quartiers du centre-sud, etc. Bon, des vieux quartiers, avec une ambiance un peu sinistre. Puis pour nous autres, on voyait déjà la ville de Montréal comme un des, quasiment comme un des personnages de l'histoire. Donc, j'ai eu un soin apporté beaucoup au décor, qui, évidemment, sont documentés, mais c'est un peu le décor de Montréal qu'on voit aujourd'hui, mais je l'ai quand même interprété à ma façon. Oui, puis en fait, si on reste un peu sur l'élément de décor, justement, ça nous amène dans des lieux qui sont très scéniques, qui sont voire même poétiques dans certains cas aussi, dans l'héritage d'un certain passé industriel et haut de la ville. Et j'ai l'impression que les lieux choisis viennent aussi asseoir un peu l'ambiance du polar. Ils viennent enrichir un peu le propos, donc d'un terrain vague à des endroits un peu plus sordides et autres. Oui, ben effectivement. Premièrement, il y a une raison à ça, c'est parce que Laurent habite à Saint-Henri. Donc, il est dans un condo à Saint-Henri. Parce qu'il y a aussi, c'est ça, le quartier se modifie, le quartier se transforme. Il y a les vieilles maisons, il y a les anciens taudis quand il reste encore quelques-uns. Il y a beaucoup de condos qui se construisent, puis le quartier est quand même en transformation. Mais en tout cas, c'est près du canal de la Chine. Donc, l'axe principal, dans le fond, de l'histoire, c'est beaucoup autour du canal de la Chine. Puis, entre autres, vous parlez de terrain vague. Il y a un décor important dans l'histoire qui se trouve à être sur un terrain vague près du canal de la Chine. Il y a un campement d'itinérants qui n'existe plus maintenant, mais qui existait. Je l'ai vu sur place. Là. C'est un terrain vague avec une tente cachée dans les buissons. Puis, on a fait une des scènes importantes. Il y a des personnages d'itinérants qui sont important dans l'histoire, qui habite là, sous une tente, puis c'est comme une espèce de lieu de rencontre. Entre autres, il y a ça, mais il y a évidemment aussi le vieux côté industriel, un petit peu qui est déjà d'une autre époque, là, mais il en reste encore des traces. Comme par exemple l'image qu'on voit, les silos de l'usine abandonnée de la Canada Malting, qui base du canal de la Chine près de Décary. C'est une grosse usine qui tombe en ruine, puis qui a vraiment une ambiance quasiment de film d'horreur, ou je sais pas, mais que c'est. Puis ça s'est retrouvé même sur la couverture, finalement, de l'album. C'est un lieu qui a un côté un peu magique. Oui, puis j'ai l'impression, en fait, qu'on n'a pas à tant transformer le lieu pour qu'il cadre un peu dans l'esprit d'un récit noir, d'un récit polar. Ben, je le transforme un peu par la force des choses, parce que c'est comme ça que je dessine. Mais je pense que c'est curieux. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils reconnaissaient les lieux, je reconnais ce coin-là. Mais en réalité, si on compare, par exemple, avec des photos de sur place, on voit qu'il y a comme une grosse part de quand même d'imagination. Puis c'est recréé, même si on a l'impression que ça se passe sur place, là. Oui, ben on dirait que la base réaliste où les éléments sont suffisamment assis pour qu'on accepte un peu l'aspect entre guillemets photoréaliste de la chose, même si justement c'est pas l'objectif. Peut-être un peu servi justement par l'aspect cartoon où on demande pas une réalité précise, mais on demande, dans le fond, on accepte l'illusion de la réalité, si on peut dire. Ben, si on veut, ouais, c'est comme ça que je dessine. Puis évidemment, ben là, c'est dans le ton aussi du récit. Parce que, évidemment, le scénario, c'est un scénario qu'on peut qualifier de réaliste, mais on peut-tu parler de réalisme poétique ou de, je sais pas, de naturalisme ou de... Il y a comme un... Puis c'est des gens qu'on a tendance à oublier un peu. Je pense qu'il y a un intérêt dans cette histoire-là pour les gens, les exclus de la société, les gens, les marginaux, les... sans porter de jugement, je veux dire, c'est les gens sont parfois victimes, mais pas toujours. Puis il n'y a pas juste des bons puis des méchants, là. Je veux dire, il y a comme un... une espèce de zone grise entre les deux, puis je pense que c'est ce qui fait qu'il y a des personnages. les principaux personnages ont un côté, je trouve, un côté attachant à cause de ça. C'est une histoire donc très sombre, sinistre, mais avec un, quand même un côté humain, attachant, j'irais presque à dire attendrissant, même si, si l'histoire est très dure. Oui, puis je vous rejoins là-dessus comme lecteur, en fait, c'est, on dirait que les personnages qu'on croise au fil du récit, de par justement autant leur langage, ce qui amène et le reste, autant par leur physique, leur faciès, leur posture, etc., on sent qu'il y a... On pourrait creuser par un album par personnage pratiquement aussi pour aller découvrir un peu leur parcours et on ressent cette richesse là je trouve. Oui, ben ça c'est intéressant. On parle du parcours des personnages. À peu près tous les personnages ont l'air un peu plus ou moins usés par la vie. Puis bon, ça fait partie un peu du sujet puis du propos de cette histoire là. Puis il y a même des épisodes en flashback, donc avant que le personnage d'Obman se retrouve en prison, donc c'est 10 ans auparavant. Fait qu'il y a quelques-uns des personnages qu'on voit donc aux deux époques. Puis là, moi, en le dessinant, je me suis amusé à imaginer, à les vieillir, puis à imaginer comment il avait pu être transformé. Comme lui, par exemple, qui a passé 10 ans en prison, ben là, il sort de prison, il est magané, comme on dit. Il est très différent de ce qu'il était 10 ans auparavant. Puis il y a l'espèce de danseuse plus ou moins pute là, qui est un peu vulgaire, grassouillette, un peu ridicule, un peu... Puis si on la regarde il y a 10 ans, c'est une belle fille, je veux dire, mais qui avait l'avenir devant elle. Fait que c'est, il y a un petit peu... Dans le dessin aussi, j'ai essayé de rendre un peu cet aspect-là, faire vieillir les personnages. Puis ça, pour montrer comment ils ont pu être usés par la vie. Mais il y a un détail amusant à un moment donné qui était... C'est une suggestion que j'ai faite dans le scénario, c'est que le personnage d'Obman, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait avant d'être emprisonné, puis avant toute cette histoire-là. On sait qu'il est d'origine russe, puis c'est un solitaire, puis mais on sait pas qu'est-ce qu'il faisait avant. Puis à un moment donné, dans le flashback, j'ai dit, juste une case comme ça, de le montrer assis au piano, un piano à queue, comme si on peut imaginer ce qu'il était. C'est un ancien pianiste de concert, ou on ne sait pas. Je veux dire, c'est peut-être un... Aujourd'hui, il est devenu, en sortant de prison, il devient pratiquement comme un sans-abri, là, sans ressources, mais qu'est-ce qui était dans le passé, on peut l'imaginer. C'est sûr, on pourrait effectivement élaborer sur chacun des principaux personnages, leur imaginer une vie, c'est ça qui est... Oui, parce qu'il y a assez de détails, en fait, c'est autant dans le récit que dans le visuel, on amène assez de détails et on sent que les éléments sont placés là aussi ou que des éléments sont placés là sciemment, donc autant... dans ce qui vient servir l'enquête, que ce soit le couteau ou autre, autant dans certains éléments ou indices ou pistes de réflexion par rapport au personnage, parce qu'il y a des éléments aussi pour lesquels vous amenez réponse, vous et Chabin, il y a d'autres éléments que vous nous laissez trouver réponse à partir de ce que vous avez placé à l'intérieur de l'album. Évidemment, c'est un polar. Quoique Laurent dit que c'est pas un roman policier au sens strict, parce qu'il n'y a pas vraiment de policiers, c'est pas les policiers qui mènent l'enquête. On les aperçoit un peu, mais ils jouent un rôle secondaire. Donc, c'est pas l'histoire de la police qui cherche à arrêter les bandits, là, je veux dire, c'est autre chose, là, mais ce que je disais, oui, les éléments, c'est qu'il y a une intrigue, puis il y a un mystère, puis il y a des trucs qu'il faut essayer de comprendre. Donc, dans ce sens-là, ça se rattache au polar, là. Donc, il y a une intrigue. Et puis, ben, évidemment, on ne révèle pas tout de suite. Ce qui est amusant aussi, c'est dans le scénario, des fois, Laurent m'écrivait une ligne. Bon, ben, il y a, je sais pas, par exemple, des indications juste à l'intention du dessinateur. C'est-à-dire que tel personnage pense telle chose, il sait telle chose. C'est pas le temps de le dire tout de suite au lecteur, mais moi, comme dessinateur, il faut que je le sache. Pour que quand on retourne en arrière, on puisse reconnaître. Savoir où on s'en va, évidemment. Ouais. Donc, il mettait ces éléments-là pour vous guider, pour vous accompagner puis il y a un paquet de petites pistes là, qui sont implantées en cours de route. Puis évidemment, je pense que quand on arrive au bout de ligne, je pense que tout ça se rattache, puis on arrive à reconstituer un peu le fil des événements. Puis c'est ça. Puis en laissant quand même, il y a quand même quelques zones grises, puis des éléments, mais ça, il faut laisser un peu la place à l'imagination du lecteur aussi. Et tout ça, c'était donc, on le rappelle, une première collaboration entre vous et Chabin, une collaboration où, dans le fond, vous semblez aussi avoir eu une belle liberté dans la mise en scène, dans le découpage de l'histoire, au service du récit qui vous a proposé. Donc, ça a été assez naturel, on pourrait dire, comme collaboration. Oui, je dirais que Moi, c'est parce qu'il y a plusieurs façons de travailler entre un scénariste et un dessinateur. Il y a des scénaristes qui arrivent avec un découpage tout fait, première case, deuxième case, troisième case. Il y a même qui font des esquisses sur papier. Moi, ça m'intéresserait pas de travailler comme ça. Je considère que au départ, on savait pas le nombre de pages que ça aurait. Donc, j'estimais à peu près ça, là, quelque chose autour de 75 pages. C'est à peu près ça, c'est ça qu'on a eu finalement. Mais il n'y a rien qui empêche en cours de route, à un moment donné, en faisant le découpage, de dire ah ben là, cette scène-là, j'ai le goût de mettre ça sur une page complète. Puis ou des fois, il faut accélérer le rythme, puis des fois il faut le ralentir. Puis il y a beaucoup de. Dans son écriture à Laurent, il y a beaucoup de je pense qu'il a compris ça aussi, l'aspect visuel. Puis il a évité de tomber dans le piège d'avoir un récit trop barat. Il y a des scènes silencieuses où il y a un récit, mais même s'il n'y a pas de dialogue, des fois il y a des. Donc à ce moment-là, bien évidemment, quand c'est une scène silencieuse, là, ça joue beaucoup sur. Moi, du moment que j'ai compris l'intention du scénariste à ce moment-là, ben c'est de faire la mise en scène et de placer l'élément, puis de donner le rythme, puis l'ambiance. Puis il y a des scènes assez dramatiques, même assez terribles à la fin, mais en tout cas. Oui, puis en fait, on voit aussi des fois que justement, avec juste les expressions, sans les mots, avec le visuel, on réussit à aller plus loin que ce qu'on aurait pu faire avec des mots, avec une narration en l'air et le reste. Oui, bien, les personnages, c'est comme des acteurs. Mm-hmm. Puis il faut que les acteurs sachent bien jouer. Mais en même temps, c'est du dessin. C'est pas la même chose que des vrais acteurs vivants, là, mais il faut donner l'impression qu'ils sont vivants, puis que les exprimés par leur attitude, puis par leurs gestes, puis leur faciès, le qu'est-ce qu'ils ont de. Tu peux pas faire un gros plan sur les yeux, puis les pensées d'un personnage, mais tu peux quand même essayer de suggérer dans quel état d'esprit un personnage est, comment il réagit, etc. Oui, et surtout dans le contexte, mais dans le fond, du polar vous proposez qui est très basé, qui est très axé sur les relations, sur les dialogues, sur les relations passées, sur les relations qui se construisent, etc. Donc, nécessairement, il faut aller chercher ce charisme-là dans vos personnages. Ah ben oui, c'est sûr que. Mais là, c'est l'art de la mise en scène. Exact. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important avant de dessiner. Je veux dire, Mais c'est la clé, en fait, au bout du compte. Là. Ben, finalement, oui. et dans le contexte, en terminant, Réal Godbout, est-ce que c'est une collaboration que vous souhaitez éventuellement réitérer? Est-ce que c'était un one-shot, une belle forêt dans l'univers du polar pour vous? Je sais pas vraiment. Moi, j'ai bien aimé, j'aime le résultat, j'ai bien aimé aussi la façon dont ça s'est fait. Je trouve que c'est une collaboration qui fonctionnait très bien. Je pense qu'on communiquait très bien. Puis ça, pour ça, je veux dire, c'est sûr que j'ai eu du plaisir à faire cette histoire-là. Maintenant, peut-être éventuellement, parce que je veux dire, Laurent, c'est quelqu'un de très prolifique, puis il y a déjà d'autres idées. Moi, j'ai d'autres idées de mon bord. Puis là, évidemment, c'est parce que moi, Danny, je ne ferais pas des albums de BD jusqu'à 90 ans. Bon, on ne sait jamais, mais ça me surprendrait. Donc, il faut que je fasse des choix. Là, j'ai un projet de roman graphique à long terme là, projet personnel sur lequel je veux travailler. J'ai d'autres affaires, j'ai du travail qui m'était commandé. Est-ce qu'on va faire de faire revenir Red Ketchup un jour? Je sais qu'il y a bien des gens qui aimeraient ça. Il faut que je choisisse d'une part ce qui est susceptible de marcher, mais d'autre part aussi ce que j'ai envie de faire. C'est que une autre collaboration avec dans le même univers, là, avec Laurent Chabin, je dirais pas non, mais c'est ça. Faut que je trouve le temps de le faire, puis je pense pas faire 40 albums d'ici la fin de mes jours. Fait qu'il faut choisir ça. Fait qu'on va mettre ça dans à suivre. Et de toute façon, on continue de vous suivre aussi au fil de ce que vous proposez. Réal Godbout, merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir. À une prochaine. Merci, bonsoir. Alors, je vous la rappelle, Réal Godbout, donc, qui est dessinateur donc sur cette bande dessinée. Donc, Quand je serai mort, c'est du côté des éditions La Pastèque. C'est scénarisé par Laurent Chabin et c'est disponible, incidemment, en librairie. dernière ligne droite pour la vie en BD et vous le devinez bien, en fait, au fil de la saison estivale, il y a quelques bandes dessinées qui sont cumulées, évidemment, sur ma pile BD. J'imagine qu'il y en aura d'autres au fil de la rentrée. Ainsi va la vie. Pour ouvrir pour cette première édition de la vie en BD pour cette saison, je me disais, ben parlons d'une sortie récente du côté de la pastèque en terminant l'émission. Donc, Box Brown qui nous offre une bande dessinée qui s'appelle Cannabis, la criminalisation de la marijuana aux États-Unis. Un livre que j'ai trouvé absolument fascinant, fort intéressant. Il faut dire que Box Brown, je suis déjà un peu vendu. Si vous écoutez régulièrement l'émission au fil des années, au fil des saisons, vous savez, vous m'avez entendu ne pas tarir d'éloges, notamment sur Tetris, qui avait offert il y a quelques temps également. Donc, en 2015, je pense que c'était une biographie d'André le Géant. Et donc, il revient avec un récit, un documentaire, si on peut dire, sur le cannabis et sur la relation qu'on entretient avec cette substance-là, évidemment, avec à la base, là, le territoire américain. Mais on imagine aussi que à un certain degré, puisque ici, il y a eu de légalisation, ça évolue, ça se transforme, ça change, mais il y a eu, à un moment donné, donc, une certaine communauté internationale d'opinion ou de perception face, justement, à cette substance-là. Et un peu comme dans Tetris, un peu comme dans André le Géant, donc il y a le côté documentaire, on sent qu'il a fouillé, il va chercher des sources, il s'informe, il recherche, etc., etc. Mais en parallèle, il y a aussi une dimension humoristique qui est présente là-dedans, il y a une certaine légèreté qui fait que ça se lit agréablement, que ça coule de source, comme on dit. Donc, d'un côté, on est éduqué, on est informé, on est accompagné. De l'autre côté, on est diverti également. Donc, là-dessus, le mélange se fait très bien. Évidemment, ce qu'on retient particulièrement dans le contexte d'un récit comme celui-là, ben, c'est de voir l'évolution de cette relation-là, de savoir que, comme d'autres substances, dans le fond, ça n'a pas toujours été une drogue, ça n'a pas toujours été criminalisé, qu'il y a eu des circonstances qui ont amené à sa criminalisation, et que les circonstances sont pas nécessairement non plus basées sur la science, sont pas nécessairement basées sur les données probantes, mais sont plutôt basé sur des questions de perception, sur des questions de manipulation de l'opinion publique, sur des questions politiques. Et c'est ce qu'on découvre. Donc, où au départ, le cannabis était beaucoup intégré, a été amené par justement les Mexicains. Donc, c'était quelque chose qui était présent donc dans l'Amérique du Sud, dans l'Amérique centrale. Donc, et tranquillement, ben dans le fond, on voit comment cette substance-là est amenée vers les États-Unis par des immigrants, par des mouvances. Et tranquillement, comment, en termes d'opinion, on essaie d'un côté de profiter de cette consommation-là pour stigmatiser certaines personnes, pour stigmatiser face à certains crimes ou autres, et où tranquillement, ben, on en vient aussi à associer, dans le fond, certaines activités criminelles à la consommation, alors que la science, à l'époque même, est unanime sur le fait qu'il n'y a pas de conséquences graves sur la psyché, sur le physique, à l'image d'autres drogues légales qui le sont aujourd'hui, qui l'étaient à certaines époques aussi. Alors, donc, on découvre un peu ce glissement-là, et on voit comment, justement, l'opinion publique a évolué, a été désinformée de façon volontaire, d'ailleurs, par certains politiciens pour se faire du capital, pour se faire du positionnement, et comment, tranquillement, cette désinformation-là s'est étendue à l'échelle internationale, où, finalement, la substance a été criminalisée de manière très, très large. Donc, absolument fascinant de ce côté-là, mais, justement, je reviens à mon point de départ, c'est qu'on évite le pamphlet, on évite la lourdeur, parce que Box Brown réussit à offrir quelque chose d'équilibré. Il y a un dessin qui est précis, qui est schématique, et il y a un dessin qui réussit à exprimer clairement les concepts, les éléments qui visent et qui cherchent à nous proposer. Donc, on réussit à bien joindre les mots, les images, on réussit à garder ça intéressant, on réussit à nous proposer quelque chose de façon intelligente et sensible. Donc, bref, dans le contexte d'une soif de connaissance peut-être qu'on pourrait avoir face à ça, ben nécessairement c'est un bon point de départ, une bonne porte d'entrée et sincèrement dans le fond une belle bande dessinée. Et en même temps, ben comme ici, mais de par la décriminalisation, ben on en vient aussi à rediscuter de cet élément-là, ben nécessairement ça devient aussi une porte d'entrée qui peut apporter ou nous aider à aller chercher des éclairages additionnels et des éclairages substantiels par rapport à certains débats qui se poursuivent et peut-être une porte d'entrée aussi pour ensuite aller chercher un peu plus loin sur l'histoire de notre relation à ces substances-là. Donc bref, forte recommandation de lecture pour Box Brown, donc Cannabis, la criminalisation de la marijuana aux États-Unis. Je rappelle, c'est du côté des éditions de la Pastèque. Alors nous, c'est là-dessus qu'on va terminer cette première édition de la saison 2019-2020 de La Vie en BD. La semaine prochaine, on va y aller avec Michael qui va nous parler de Boot Black. Il y aura également une carte blanche qui sera offerte à Marco Duchesne. Si je ne m'abuse, on va parler de Batman. Alors ce sera à suivre, donc la semaine prochaine, ici à La Vie en BD. Alors passez une excellente semaine, une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.